Voiture de police incendiée. Le bluff de Cazeneuve. Cette opération de communication vise évidemment à recouvrir le fiasco des interdictions de manifester. Article paru dans Lundi Matin 62, le 28 mai 2016. Mercredi 18 mai, place de la République, le syndicat Alliance se rassemble afin d'en appeler à l'arrêt de la haine contre la police. Le symbole est fort. Quelques centaines de policiers en civil reprennent la place. Un imposant dispositif, lui aussi policier mais en fonction, bloque toutes les rues attenantes. Les passants, n'étant pas munis d'une carte de police, doivent contourner la place. Seuls quelques journalistes seront autorisés à passer le barrage, ainsi qu'une poignée d'hommes politiques, en l'occurrence Marion Maréchal Le Pen, Gilbert Collard et Éric Ciotti, qui s'adonneront à quelques selfies au milieu de policiers comblés. L'angle de la place. À l'angle de la place, quelques centaines de contre-manifestants sont repoussés et gazés par les gendarmes mobiles. La place de la République est définitivement et doublement privatisée par la police. Cette contre-manifestation, prévue à 11h et déclarée en préfecture par le collectif Urgence Notre Police Assassine, avait été interdite par la préfecture à 11h20. Pied de nez. Alors que les colonnes de la gendarmerie encerclent les manifestants, plusieurs centaines parviennent à s'échapper de la nasse et, dans un mouvement, le cortège se forme et part en manifestation improvisée. Quelques minutes plus tard, une voiture de police bloquée dans la circulation est prise à partie par certains manifestants. Immédiatement, le conducteur braque une arme à travers sa fenêtre. Un journaliste mis en joue lui hurle de la baisser. D'autres manifestants se rapprochent et cassent les vitres du véhicule avant d'y jeter un fumigène. Les policiers sortis du véhicule, l'un d'entre eux prend la fuite pendant que le second fait face à un manifestant qui lui assène quelques coups à l'aide de ce qui ressemble beaucoup à une canne à pêche. En quelques secondes, le fumigène enflamme le véhicule. Symboliquement, le pied de nez au ministère de l'Intérieur est monumental, qui apparaît aux yeux de tous comme étant incapable de mater la colère qui s'exprime dans les rues de Paris depuis maintenant 2 mois. Tentative d'homicide, renseignement et paralogisme. La réponse ne se fait pas attendre. Le ministère doit garder la face. Personne n'ayant été interpellé sur place, il faut trouver des coupables, ou du moins des suspects, voire des suspects potentiels. Dans l'après-midi, 5 personnes sont arrêtées. Elles ont entre 19 et 32 ans. Le procureur de Paris, lui non plus, ne lésine pas et ouvre une enquête en flagrance pour tentative d'homicide volontaire. La communication peut commencer, elle sera massive. Parmi les 5 personnes interpellées, au moins 3 avaient été interdites de manifester la veille, mais le tribunal administratif avait annulé ces décisions du fait de leur manque de fondement. Cet élément est présenté comme étant incriminant par le ministère de l'Intérieur. S'ils ont été interdits de manifestation la veille, c'est qu'ils ont incendié le véhicule de la police, la communication par le paralogisme. En réalité, les policiers n'ont pas encore recueilli le moindre élément qui permette de relier ces 5 personnes à l'incendie du véhicule de police. C'est une note des renseignements de la direction de la préfecture de police, la DRPP, qui a proposé à la police judiciaire d'interpeller des militants politiques connus et peut-être aperçus lors du rassemblement pacifique, mais interdits a posteriori par la préfecture. Il s'agit donc de décrypter cette communication volontairement confuse du ministère. Il n'y a pas eu d'incendiaires interpellés qui se sont avérés être des militants politiques, mais des militants politiques ciblés par des services de renseignement à qui M. Cazeneuve essaye d'imputer un incendie de voiture qualifié de tentative d'homicide, donc de crime. Cette opération de communication vise évidemment à recouvrir le fiasco des interdictions de manifester et à faire pression sur le tribunal administratif afin qu'il n'annule pas celles qui ne manqueront pas de tomber les prochains jours. Reste à savoir si cela fonctionnera ou si le mouvement social en cours s'opposera à sa criminalisation par les pouvoirs publics. Voilà, c'était donc un article paru dans Lundi Matin numéro 64, c'était le 28 mai 2016, non, c'est le Lundi Matin numéro 62, le 28 mai 2016, et c'est à retrouver sur le site lundi.am.